jamais un ami. Mais il est parti, ce sont ça ma vie. Quelques mots qui traînent à minuit. Thank you.